Chapitre 13e. Franz de Neuberg, sur l'invitation de l'archiduc, continua donc son récit avec une candeur charmante. « Depuis 3 jours, Mademoiselle Antonine n'avait pas paru, monseigneur. Accablé de tristesse, n'espérant plus rien, j'allais pourtant au jardin à l'heure accoutumée. Quelle fut ma surprise, ma joie, monseigneur! Lorsqu'arrivant près du mur, je vis au-dessous de moi Mademoiselle Antonine, assise sur le banc. Elle tenait à la main, posée sur ses genoux, mon bouquet de roses, fané depuis longtemps. Elle avait la tête penchée. Je ne voyais que son cou et la naissance de ses cheveux. Elle ne se doutait pas que je fusse là. Je restais immobile, retenant presque ma respiration, tant je craignais de causer son départ en révélant ma présence. Enfin, je m'enhardis et je dis en tremblant, car pour la première fois je lui parlais. « Bonsoir, mademoiselle. » Elle tressaillit. Ce mouvement fit tomber le bouquet fané. Elle ne s'en aperçut pas, et sans changer d'attitude, sans retourner ou relever la tête, elle me répondit d'une voix aussi basse, aussi émue que la mienne, « Bonsoir, monsieur. » Me voyant si bien accueilli par elle, monseigneur, j'ajoutai, « Voilà 3 jours que vous n'êtes venu arroser vos fleurs, mademoiselle. »« Il est vrai, monsieur, » reprit-elle d'une voix toute tremblante, « j'étais un peu souffrante. »« Oh, mon Dieu ! » m'écriai-je avec tant d'inquiétude que Mademoiselle Antonine releva un moment la tête vers moi. Je la trouvai, hélas, en effet, bien pâle, monseigneur. Mais elle reprit bientôt sa première attitude, et je ne vis que son cou qui me parut légèrement rougir. « Et maintenant, mademoiselle, vous êtes moins souffrante ?»« Oui, monsieur, » me dit-elle. Alors j'ajoutai, après un moment de silence, « Vous pourrez au moins revenir arroser vos fleurs tous les soirs, comme par le passé ?»« Monsieur, je ne sais pas. » « Je l'espère. » Et ne craignez-vous pas, mademoiselle, qu'après avoir été malade, la fraîcheur de cette soirée ne vous soit nuisible ?»« Vous avez raison, monsieur. Je n'y songeais pas, » me répondit-elle. « Je vous remercie. Je vais rentrer. » En effet, monseigneur, il avait plu toute la matinée et il faisait très froid. Au moment où elle allait quitter le banc, je lui dis, « Mademoiselle, voulez-vous me donner ce bouquet fané qui est tombé là à vos pieds ?» Elle le ramassa, me le tendit en silence, sans relever la tête et sans me regarder. Je le pris comme un trésor, monseigneur, et bientôt, Mademoiselle Antonine disparut au détour d'une allée. Le prince écoutait son filleul avec une profonde attention. La candeur de ce récit en prouvait la sincérité. Jusqu'alors, rien ne donnait à penser que Franz eût été le jouet d'une de ces coquettes parisiennes si redoutées des étrangers, ou dupe d'une fille aventureuse et manégée ainsi que l'avait d'abord appréhendé l'archiduc. Mais une crainte bien plus grave vint l'assaillir. Un pareil amour, sans doute conservé chaste et pur, devait, en raison même de sa pureté, qui éloignait au remords de l'âme de ses 2 enfants, l'une avait 15 ans et demi, l'autre 20, devait être déjà bien profondément enraciné dans leur cœur. Franz, voyant la physionomie du prince assombrir de plus en plus, et ayant rencontré son regard redevenu hautain et glacial, s'arrêta tout interdit. « Ainsi, » reprit ironiquement l'archiduc, pendant le silence de son filleul, « vous voulez épouser une jeune fille à qui vous n'avez pas adressé 4 paroles, et dont la rare beauté, dites-vous, vous a tourné la tête. J'espère obtenir le consentement de votre Altesse royale pour épouser Mademoiselle Antonine, parce que je l'aime, monseigneur, et qu'il est impossible que notre mariage soit différé. » À ces mots, résolument accentués malgré la timidité de Franz, le prince tressaillit et se reprocha d'avoir cru à l'un de ces chastes amours germaniques d'une candeur proverbiale. « Et pourquoi, monsieur, s'écria-t-il d'une voix menaçante, pourquoi ce mariage ne saurait-il être différé ?»« Parce que je suis homme d'honneur, monseigneur. »« Un homme d'honneur ? Vous êtes, monsieur, un malhonnête homme ou une dupe ?»« Monseigneur. » Vous avez indignement abusé de l'innocence d'une enfant de 15 ans, ou vous êtes sa dupe, vous dis-je. Les Parisiennes sont précoces dans l'art de piper les maris. » Franz regarda un moment le prince en silence, mais sans confusion, sans colère, et comme s'il eût en vain cherché le sens de ces paroles qui ne l'atteignirent ni dans son amour ni dans son honneur. « Excusez-moi, monseigneur, je ne vous comprends pas. » Franz prononça ces mots avec une telle expression de sincérité, avec une assurance si ingénue, que le prince, de plus en plus étonné, ajouta après un moment de silence, en attachant sur le jeune homme un coup d'œil pénétrant, « Ne m'avez-vous pas dit que votre mariage avec cette demoiselle ne pouvait être différé ? Non, monseigneur. Avec la permission de votre Altesse royale, il ne peut pas l'être, il ne le sera pas. Parce que sans cela, vous manqueriez à l'honneur. Oui, monseigneur. Et en quoi et pourquoi manqueriez-vous à l'honneur en n'épousant pas mademoiselle Antonine ? Parce que nous nous sommes fait serment à la face du ciel d'être l'un à l'autre, monseigneur, répondit Franz avec une énergie contenue. Le prince, à demi rassuré, ajouta cependant : Et ensuite, dans quelles circonstances avez-vous pu échanger ce serment ? Craignant de vous mécontenter, monseigneur, ou de fatiguer votre attention, j'avais interrompu mon récit. Soit, continuez-le. Monseigneur, je crains. Continuez, mais n'omettez rien, je tiens à tout savoir. Souvent, l'oncle de mademoiselle Antonine sortait le soir, monseigneur, et elle restait seule chez elle. La saison était si belle que mademoiselle Antonine passait toutes ses soirées au jardin. Nous nous étions hardis l'un et l'autre. Nous avions plusieurs fois longuement causé, elle sur le petit banc, moi accoudé au mur. Elle m'avait ainsi raconté toute sa vie. Moi, je lui avais dit la mienne, et surtout ma respectueuse affection pour vous, monseigneur, à qui je dois tout. Aussi, mademoiselle Antonine partage à cette heure ma profonde reconnaissance pour votre Altesse royale. À cet endroit du récit de Franz, un bruit de pas de plus en plus rapproché attira l'attention du prince. Il se retourna et vit un de ses aides de camp qui s'avançait mais qui s'arrêta respectueusement à distance. Un signe de l'archiduc, l'officier fit quelques pas. « Qu'y a-t-il, monsieur ? » demanda le prince. « Son Excellence, monsieur le ministre de la Guerre, vient d'arriver. Il est aux ordres de votre Altesse royale pour la visite qu'elle doit faire à l'hôtel des Invalides. Dites à son Excellence que je suis à elle dans l'instant. » Pendant que l'aide de camp s'éloignait, le prince, s'adressant à Franz d'un air glacial, lui dit « Rentrez chez vous, monsieur. Vous garderez les arrêts jusqu'au moment de votre départ. »« De mon départ, monseigneur ?»« Oui. » »« Mon départ ?» répéta Franz anéanti. « Oh mon Dieu ! Et où m'envoyez-vous, monseigneur ?»« Vous le verrez. Je vous confierai au major Butler. Il me répondra de vous. Avant 24 heures, vous aurez quitté Paris. »« Grâce, monseigneur !» s'écria Franz d'une voix suppliante, ne pouvant croire à ce qu'il entendait. « Ayez pitié de moi, ne m'obligez pas à partir. Rentrez chez vous, » lui dit le prince, avec la rudesse du commandement militaire, en lui faisant signe de la main de passer devant lui. « Je ne reviens jamais sur un ordre que j'ai donné. Obéissez. » Franz, accablé, regagna tristement sa chambre, située au premier étage du palais, non loin de l'appartement de l'archiduc et donnant sur le jardin. Vers les 7 heures, on servit au jeune prisonnier un dîner auquel il ne toucha pas. La nuit venue, Franz, à son grand étonnement et à sa profonde et douloureuse humiliation, entendit que l'on fermait au dehors sa porte à double tour. Vers les minuit, lorsque tout dormit dans le palais, il ouvrit doucement sa fenêtre, sortit sur son balcon, puis, penché en dehors, il parvint, à l'aide d'une canne, à éloigner un peu du mur où il était plaqué l'un des montants d'une persienne des fenêtres du rez-de-chaussée. Ce fut sur ce point d'appui vacillant qu'avec autant d'adresse que de témérité, Franz, ayant enjambé la grille du balcon, posa le bout du pied, puis, s'aidant des lames de la persienne comme d'une échelle, atteignit le sol, gagna l'allée ombreuse, escalada le petit mur d'appui et se trouva bientôt dans le jardin de la maison habitée par Antonine. Quoique la lune fût voilée par des nuages épais, il régnait une demi-clarté sous les grands arbres qui jusqu'alors avaient servi de lieu de rendez-vous à Antonine et à Franz. Au bout de quelques instants, il aperçut de loin une forme blanche qui s'approchait rapidement. En peu d'instants, la jeune fille fut auprès du jeune homme et lui dit d'une voix précipitée « Je viens seulement pendant une minute, afin que vous ne soyez pas inquiet, Franz. J'ai profité d'un moment d'assoupissement de mon oncle. Il est très souffrant, je ne puis m'éloigner plus longtemps de lui. Adieu, Franz, » ajouta Antonine avec un gros soupir. « C'est bien triste de se séparer si vite, mais il le faut. Encore adieu, peut-être à demain. » Le jeune homme était si atterré de ce qu'il devait apprendre à la jeune fille qu'il n'eut pas la force de l'interrompre. Puis, d'une voix entrecoupée par les sanglots, il s'écria « Antonine, nous sommes perdus. »« Perdus ? Je pars. Vous ?» Le prince mit force. « Oh mon Dieu !» murmura Antonine en pâlissant et s'appuyant au dossier du banc rustique. « Oh mon Dieu !» et ne pouvant prononcer un mot de plus, elle fondit en larmes. Après un moment de silence déchirant, elle reprit « Et vous espériez le consentement du prince, Franz ?»« Hélas, je croyais l'obtenir en lui disant simplement combien je vous aimais, combien vous méritiez cet amour. » Le prince a été inflexible. « Partir ? Nous séparer, Franz ?» murmura Antoine d'une voix brisée. « Mais c'est impossible. Nous séparer, c'est vouloir nous faire tous deux mourir de chagrin. Le prince ne voudra pas cela. » « Sa volonté est inflexible. Mais quoi qu'il arrive, » s'écria Franz en tombant aux genoux de la jeune fille, « oui, quoique je sois ici étranger, sans famille, sans savoir que devenir, je resterai malgré le prince. Rassurez-vous, Antonine. » Franz ne put continuer. Il vit au loin une lumière briller et une voix s'écria avec angoisse. « Mademoiselle Antonine !»« Mon Dieu, la gouvernante de mon oncle, elle me cherche !» s'écria la jeune fille, et s'adressant à Franz, « Franz, si vous partez, je meurs !» Et Antonine disparut du côté où avait paru la lumière. Le jeune homme, brisé par la douleur, tomba sur le banc en cachant son visage entre ses mains. Au bout de quelques minutes, il entendit une voix, venant de l'allée du jardin de l'Élysée, l'appeler par son nom. « Franz ?» Il tressaillit, croyant reconnaître la voix du prince. Il ne se trompait pas. Pour la seconde fois, son nom fut prononcé. La crainte, l'habitude de l'obéissance passive, son respect et sa reconnaissance envers l'archiduc, qui lui avait jusqu'alors tenu lieu de famille, ramenèrent Franz vers le petit mur d'appui qui séparait les deux jardins. Derrière ce mur, il vit le prince à la clarté de la lune. Celui-ci tendit la main avec une ironie glaciale afin de l'aider à remonter dans l'allée. « Tout à l'heure, à mon retour, je suis entré chez vous, » lui dit sérieusement l'archiduc. « Je ne vous ai pas trouvé. » « Votre fenêtre ouverte m'a tout appris. Maintenant, suivez-moi. »« Monseigneur !» s'écria Franz en se jetant aux pieds du prince et tendant vers lui ses mains jointes. « Monseigneur, écoutez-moi. »« Major Butler !» dit le prince à haute voix, en s'adressant à un personnage jusqu'alors caché dans l'ombre. « Accompagnez le comte Franz chez lui, vous ne le quitterez pas d'un instant, vous me répondez de lui. »